Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le premier podcast hors série de Sur nos écrans. Podcast dans lequel nous allons vous parler de Big Hero 6 ou Les Nouveaux Héros en français, adaptation du comics Marvel Big Hero 6 proposé par Disney et qui est sorti en France il y a 2 semaines et qui cartonne au box-office. Nous allons donc revenir sur ce film et puis également rapidement sur l'adaptation par rapport au format comics. Je suis Mathieu et vous allez écouter le premier hors-série de Sur nos écrans. Et Arnaud. Salut. Et quand même bien le dire, Elodie, encore un plan à 3. J'adore. N'est-ce pas? En plus, c'est bien, on va parler d'un film Disney et tout. C'est tout à on fait est là, dans le on est tout à fait dans le public visé. Bon, Big Hero 6, un petit rapidement. 50 Shades, sinon. Hein, si... Non, on peut pas se faire un podcast 50 Shades, désolé, il n'y a pas de comics 50 Shades. Heureusement. Il y a des livres. Oui, mais non. Tu sais bien que les comics, c'est pas des livres. Je sais, je sais. On aurait pu diversifier. Non, Big Hero 6, donc les nouveaux héros pour son titre français. Avant de commencer, Arnaud, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui a réalisé ce film, qui est-ce qu'on trouve au doublage et puis quelle est l'histoire surtout? Alors, pour les réalisateurs, c'est Don Hall et Chris Williams. Et donc, c'est produit par Disney, hein. Pas une surprise. Et alors, pour le doublage, on retrouve pour Baymax, alors en VO. Pour Baymax, Scott Adsit, que je ne connais pas. Pour Hiro, c'est Ryan Potter. Daniel Heaney pour Tadashi. T.J. Miller pour Fred. Que T.J. Miller, c'est celui qui a été casté dans Deadpool. Pour jouer le comic de service. Ouais, ouais. Jamie Chung pour Gogo Tomago. Wasabi, c'est Damon Wayans Jr. qui est dans Happy Endings. Youhou! Et pour la VF, si vous avez l'obligation de le voir en VF, dans Baymax, c'est Kayan Kojandi qui fait sa voix, donc c'est le mec de Bref. Maxime Baudouin pour Hiro, Damien Ferret pour Tadashi, Donald Reynou pour Fred, Céline Ronde pour Gogo, Jean-Baptiste Anmon pour Wasabi et Pierre Bourlan pour professeur Callaghan. Et l'histoire? Alors, en quelques phrases, c'est en fait l'histoire d'un génie de la robotique qui s'appelle donc Hiro Hamada, et il découvre un complot criminel qui menace de détruire la ville de San Francisco. Et donc, avec l'aide de son ami Baymax, qui est un robot infirmier créé par son frère, et de ses compagnons qu'il transforme en super-héros, il va tout faire pour sauver la ville et la population. Rapidement, en une phrase, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Et puis après, on rentrera dans le détail. Elodie? Divertissant. Ouais, Arnaud? Super sympa, un bon film d'action pour enfants. Et pour ma part, du bon Disney, le haut du panier de Disney pour moi, et une adaptation qui n'est pas fidèle à ce qu'était le comics à la base, mais qui remodèle vraiment bien la franchise et qui propose quelque chose de vraiment intéressant pour cette franchise-là, donc très sympa. Maintenant que le cadre est posé, qu'est-ce que vous avez à dire sur les personnages et le scénario de manière générale, Arnaud? Alors le scénario. Déjà, c'était plaisant de commencer par comment ils ont la manière dont ils l'ont fait. Même si c'est un film pour enfants, on démarre vraiment avec une forte touche émotionnelle avec la mort de Tadashi. Et ça, c'était vraiment surprenant de voir ça. Et ça commence pas avec ça, justement. Je trouve que c'est une. Ça arrive assez rapidement. Ouais, ça arrive tôt, ouais. Ça arrive tôt. Je pense qu'il y a au moins un bon quart d'heure. Ah oui, moi j'attendais ça 20 minutes avant la fin du film. Ouais. Faut juste moi, relancer le héros dans sa quête. Mais là, c'est tout au début. Mais c'est un Disney, hein. Tous les Disney, il se passe toujours un truc hyper triste au début. Il y a toujours un truc avec la famille, ouais, souvent au début. Oui, mais là, la mort du frère. Bah oui, mais bon, enfin moi je m'y attendais, hein. C'était, je m'avoue que ce soit plutôt qu'il arrive un truc dramatique hyper tôt dans le film pour déclencher la suite. Ouais. Je m'y attends. Ben, je dois être complètement teubé ou tout passer à, ou être passé à côté de toute la promo ou machin du film. Mais ça m'a fait un choc, moi, quand C'était pas dans la Tadashi est promo. mort. Je Mais c'était un bande-annonce en plus, hein, je crois. Bah non. je sais pas, je sais pas. Mais c'est tellement j'ai tellement aimé le personnage, la relation qu'il avait aussi avec Hiro, avec son androïde, avec toute sa bande de copains là dans leur laboratoire. J'ai tellement aimé ça que j'étais dégoûté quand c'est arrivé. Vraiment. Mais pareil. C'est incroyable de nous en avoir privé pendant tout le film, parce que c'est un personnage, en plus du fait que je l'ai vraiment aimé, c'est un personnage qui a un vrai grand potentiel pour la franchise Big Hero 6 en général. Et pendant tout le film, je me suis dit, il va revenir, c'est pas possible. Il va revenir à un moment pour sauver la mise, ou je sais pas pourquoi faire, mais on va le revoir, ou alors on va le revoir dans la scène post-générique. Et au final, non. J'aurais été déçue qu'il revienne. Alors, franchement, ça m'aurait fait penser à des séries de la CW. Oh bah oui, je m'en fous, j'aime tellement le personnage que j'étais prêt à accepter ça. Ouais, première surprise du film déjà, oui, effectivement, la disparition de Tadashi assez tôt, effectivement, et puis sans retour. Mais après, voilà, chez Disney, on n'est pas forcément habitué. Enfin, un personnage mort est mort. Ah si, tous les Disney. Alors peut-être que celui-là prend plus d'importance que dans d'autres, hein, mais bon, rappelons même le roi lion, Non, non, mais voilà, dans tous les Disney, les personnages pas morts ça. restent morts. Enfin, voilà, il n'y a pas de. J'aime juste le dernier, là. Enfin, alors la Reine des Neiges, les parents, ils meurent, enfin, Ah, je il sais pas. meurt de vieillesse, de. Non, ils meurent pas de vieillesse, ils meurent d'un accident. Ouais, mais c'est moins J'ai tragique. pas vu la Reine Je des me souviens Neiges. pas, mais c'est moins tragique qu'un accident. Enfin, c'est pas. Faut que C'est moins je m'en tragique souvienne. parce qu'on voit pas, on les voit pas spécialement plus que ça, Je les m'en parents. souviens. Ils laissent quand même Ça. deux enfants, qui Ouais, sont mais même ça a pas pas. plus d'influence que ça. On s'en souvient même pas de ça. Mais Alors que si, là, ça ça a va vraiment faire. une importance dans le récit. C'est vraiment mis en scène de tout le début du film. C'est vraiment sur ça. Et c'est ça qui lance Hiro dans sa quête. Hein, parce Oui, qu'il veut venger son frère. Hein. mais c'est toujours ça, il y a toujours une impulsion Y a qui toujours, est mais il y a toujours l'ombre dramatique. du. Dans tout le film, surtout avec Baymax, il y a l'ombre du frère. Hein. Dans Oui, La oui. Reine des Neiges, les parents, ils sont morts, et puis basta, on n'en parle plus. Oui, mais toi aussi qu'elle devient reine, hein. Ils sont obligés de prendre la succession. C'est vrai que Oui, c'est mais peut-être sans ça son ce que tu fond. dis Arnaud là qui rend le personnage de Tadashi si intéressant et si attachant, c'est effectivement qu'on a effectivement son ombre qui plane sur tout le film après et que beaucoup de choses se passent par rapport à lui et par contre quand tu dis que c'est que quand que ça lance la quête de Hiro qui veut se venger qui cherche la vengeance moi je pense pas. Cette notion de vengeance, elle arrive bien plus tard, quand il se rend compte qu'il n'est pas mort de par son dévouement, mais il est mort parce qu'il a été tué, enfin, parce que l'explosion était volontaire, voilà. Ça, Merci. il s'en rend compte bien plus tard dans le film. Moi, pour moi, ce qui lance sa quête, c'est la volonté de continuer ce que son frère avait commencé, avec Baymax, en rejoignant l'équipe, machin, tout ça, mais il s'en rend compte Non, parce qu'au début, il Ouais, veut pas rejoint retourner à l'équipe, l'école. Il veut pas exactement. retourner à l'école. Oui, il veut pas retourner à l'école, ok, mais Il rejoint c'est. l'équipe une fois qu'il sait que son frère est assassiné. Ouais. Ah bon, bah j'ai oublié ce passage-là en fait. Ok. Et parce qu'il retrouve, il part à la quête du méchant et tout, et En fait, il il suit ces robots là qui sont liés l'un à l'autre et ça le fait suivre juste ça le fait amener Oui. jusqu'à un autre robot D'accord. et là il découvre Mais il que bah découvre. il y a plein d'autres qu'on a Oui, il découvre. copié ces mini robots Mais et il que se rend après pas compte qu'il ne découvre pas encore que l'explosion était liée à ça. ouais mais ça arrive Plus très tard, vite hein, c'est après. super tard quand le mec est démasqué et qu'il voit qui c'est vraiment et pourquoi il a fait Ah ça. non, mais même avant qu'il soit démasqué, Il se il rend veut se compte. venger. Même avant qu'il soit Bah, démasqué, il sait que c'est un accident, c'est pas un accident. il veut récupérer, enfin, il veut se venger dans le sens où il veut récupérer ce qu'on lui a volé, machin, tout ça, mais il parle pas de venger la mort de son frère, hein. Il en parle bien plus tard de ça. Non, justement, c'est quand il découvre qu'il y a plein de mini-robots, il se dit, l'accident, c'est pas un accident, en fait, c'était juste pour couvrir le vol de mes mini-robots pour en refaire d'autres. Ouais, j'ai pas vu comme ça, moi. Faudrait que je le revoie, mais de toute façon je vais le revoir. Donc faudrait que je le revoie On pour se voir ça, demande pas mais avec qui tu vas le voir. non, c'est pas la peine. Ouais, moi j'ai vraiment compris qu'il découvre qu'on lui a volé ses robots, machin, tout ça, et que c'est pour ça qu'il veut chasser le mec, mais j'ai pas saisi qu'à ce moment-là il avait compris que c'était volontaire et que du coup on avait tué son frère. Pour moi il l'a compris quand l'ennemi du film est démasqué. Ça arrive très tard. Oui, ça arrive très tard. C'est pour ça, du coup, je n'étais pas d'accord quand tu disais que c'était son envie de se venger qui lançait sa quête. Donc, du coup, voilà, ça méritera une deuxième vue pour ça. Bon, il n'y a pas que Hiro et Tadashi dans ce film. Il y a aussi Ah bon? un immense coup de cœur, Oui. Baymax. Désolé, là, ça va rien. Il est incroyable, ce personnage de Baymax. Tout mignon. Et En c'est. complètement en décalage avec tout le reste et tous les personnages. Et c'est quand on voit un personnage comme ça qu'on ne peut être qu'encore plus en colère ou déçu de voir le décalage entre la sortie originale de l'international du film et la sortie française. Sais pas ce qui leur est Incroyable passé par la tête. d'avoir eu un délai comme ça et d'avoir manqué, enfin je sais pas, une boîte comme Disney qui est là quand même à la base pour se faire de l'argent, vendre des produits dérivés, vendre des figurines. Comment ils ont pu rater le coche de Noël avec ce film et ce personnage-là? Je suis d'accord. Ouais. Bah après, en même temps, c'est les vacances de février. Oui, mais il y a Oui, mais le film est c'est. sorti en novembre aux États-Unis On n'est juste pas pour dans une. Noël. Mais Hein. oui, on n'est pas dans une période là où les parents vont aller acheter des figurines, des toys, machin, des produits dérivés à leurs enfants, parce que Noël, justement, est passé, ça fait juste 2 mois. Ils ont raté un truc incroyable avec Baymax. Je comprends pas. En plus du fait que, Peut-être du une coup. question d'autre chose, hein, je sais pas. Enfin, c'était peut-être pas voulu. Une question technique, doublage, je sais pas. Je vois pas pourquoi. Je Hein. sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne au box-office français, mais je serais pas étonné de voir que du coup ce décalage fasse souffrir le film. Non, je crois qu'il fonctionne plutôt bien. Regardez, mais je crois que c'est ce film qui a fait le meilleur démarrage en animation. Ah ok. Bon bah. Depuis le début de l'année, tu veux dire? Oui. Oui, bon, on en février en même temps, donc ça va. Ouais, moi je sais pas, je comprends pas ce. Comment ils ont pu décider de mettre autant d'écart entre la sortie US et la sortie française? Parce qu'on avait quoi à Noël en Disney? On n'avait rien en plus là, cette année. Non, il n'y avait rien. Il y avait Astérix qui était Oh sorti, super. non mais il y a Paddington. Disney. Oui, Il n'y avait pas de Disney. mais il y C'était avait des dessins animés, le quoi. Disney de Noël, ça. En tout cas, ça aurait dû l'être. Aux États-Unis, ça l'était. Ils ont tiré 608 980 spectateurs, je crois. C'était les chiffres La première du. semaine. Bon, c'est pas mal, mais c'est loin du succès que ça aurait eu si c'était sorti. Ils disent que c'est le quatrième meilleur démarrage de l'année pour tout film confondu. D'accord. Ouais, bah ça c'est le chiffre première semaine du coup, je pense. Oui. Le chiffre que je t'ai dit, Bah, si c'était jeudi, c'est les chiffres de la première semaine. Du Ah coup, s'il est oui, sorti une semaine ça avant. faisait une semaine. Oui, excuse-moi, oui, ça faisait une semaine qu'il est sorti. Bah, voilà, ça au bout d'une semaine. Donc c'est pas mal, mais c'est loin de ce que ça aurait récolté si c'était sorti au mois de décembre. Ah, c'est très loin de la Reine. Pour comparaison avec les autres films Disney, c'est très loin de la Reine des Neiges. Je réponds, c'est la Princesse et la Grenouille. Qui eux sont sortis à des époques plus favorables, sans doute. Oui, Faut dire que l'époque c'est de sorti en Noël. même temps que 50 nuances de gris. Alors, je suis désolée, mais quand tu vois qu'ils ont fait 2 millions au box-office. Mais c'est pas le même public qui va voir ces films. Bah, tu sais, il y a les mamans, elles vont voir avec leurs enfants aussi, hein. Oui, enfin les. Oui, non mais d'accord, mais j'espère que les mamans pensent d'abord à leurs enfants plutôt que d'aller voir un film pour leur libido. Excuse-moi, mais. Voilà, le point 50 nuances a été atteint dans cette émission. On va reprendre un cours normal. On va parler rapidement quand même des autres nouveaux héros, parce qu'il n'y a pas que Hiro Ah, et ils Baymax existent. dans l'équipe. Oui, ils existent, ils sont quatre, je crois. Oui. Et moi, je les trouve plutôt sympas et complémentaires. Enfin, franchement. Oui, mais ils ont pas de. Enfin, personnellement, j'arriverais pas à les distinguer. Là, il y a deux femmes dans l'équipe. Je connais pas leur nom. Les autres non plus, je connais pas leur nom. Hein. Il y a Tu Goku. Il y a Oni. Oni Oni. et Oni. Oni. Oni. Oni Lemon. Ok. Mais vraiment, Et il y il a n'y a pas de Gogo. distinction entre les personnages, qui fait quoi, tu le vois au début du film, mais après on n'en parle plus et on oublie Oh, moi complètement. je trouve que Fred se démarque quand même des autres. Un peu. Oui, et finir peut-être par être à la fin. Fred se démarque vraiment parce que, enfin, c'est un peu le geek, enfin, genre, C'est un peu le mec stupide. c'est un peu le lecteur de comics en plus, tu vois, donc ils le font, il y a vraiment tous les clichés du geek qui passent, quoi. Ah Il oui, se démarque il est par très ça parce qu'il caricatural. fait beaucoup d'humour, il est un peu con. Il te sort des références complètement alambiquées. Mais les autres, sinon. Non, mais je trouvais que, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, ce film, en général, m'a énormément rappelé Marvel et beaucoup de références. Je pense qu'on ah va oui, y revenir après, mais... y a plein de clins d'œil, oui. Énormément de références à des films, mais pas forcément que Marvel, d'ailleurs, hein, des films de comics. Oui, des films de super-héros en général. Bah quand justement Fred fait toute la liste des comics dans lesquels c'est le grand industriel qui est le méchant et compagnie, forcément on pense à l'univers de Spider-Man, on pense enfin voilà des choses comme ça où effectivement les grands industriels sont souvent les méchants, les Lex Luthor, les moi j'ai oublié comment ils s'appellent dans Spider-Man. Oh là là. Je vois. Oui, moi aussi je vois, mais bref. Non, mais j'ai trouvé que justement c'était moi ils m'ont juste rappelé d'autres personnes, d'autres films ou séries ou enfin voilà, c'était plus des caricatures quelque chose, genre. Alors Gogo, je crois ça m'a énormément rappelé genre May dans Agent of Shield. Ah bon? Oui. Ah ouais, j'ai pas du tout, hormis ouais, le non, film vraiment, mais Non, j'ai même jamais pensé non au rapprochement entre les deux personnages. bon, moi je sais pas, ça je dis tout de suite, hein, mais bon, voilà, c'est peut-être moi. Hein, Vous vu, non, mais après chacun. Non, puis à la rigueur, ces personnages-là, oui, doivent être des clins d'œil à d'autres personnages, etc. Mais je les ai pas identifiés. Enfin, j'y ai même pas pensé en fait. Il y a quelques moments effectivement qui te font forcément penser aux comics quand ils. La scène de rassemblement de l'équipe, la scène où ils testent leurs nouveaux équipements, machin, tout ça. Le majordome. ah bah oui, moi ça me fait penser à Batman, hein, Et clairement. forcément une référence, la manière qu'il a, dont il, enfin, de se tenir, de parler, oui, forcément. Et puis il s'appelle Fred en plus, Tout le monde enfin pense à s'appelle Alfred à ce moment-là, voilà. Bah, Fred, c'est le gamin, c'est pas oui, le. c'est ça, c'est le gamin, mais Oui. il s'appelle, c'est pas le majordome, mais bon, enfin, je Oui. sais pas si ça a un rapport. Hein, mais... Oui, peut-être. Et puis, bah, le père de Fred. Oui, bah ça c'est la scène Génial. post-générique. On le voit dès le. Bah, on le voit sur le tableau de famille aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Et je pensais, en fait, je m'attendais même pas à revoir une scène post-générique avec le vrai caméo de Stanley. Je pensais que son caméo, c'était simplement le fait d'apparaître sur ce tableau, parce que c'était très court, on voyait, machin, on l'a reconnu. Et en fait, non, on a vraiment une vraie scène post-générique avec lui après, qui est très sympa en plus au niveau de. Presque un des meilleurs caméos de Stanley. Parmi tout ce qu'il a pu faire, je trouve. On est quand même clairement dans du Disney. Hein. Faut quand même pas, voilà. Oui, c'est un film qui nous a plutôt plu, qu'on a apprécié, etc. Mais on est quand même parfois, franchement, dans la guimauve Disney. Ah oui, Ah, mais clairement. clairement. Niveau de, enfin, c'est quand même un poil moralisateur, un poil seulement. Hein. Pour être gentil. Le méchant est méchant, mais il est méchant parce qu'il a perdu sa fille, alors vous comprenez, ça l'a fait souffrir, machin, tout ça. Voilà, on est Ah quand même. oui. En même temps, Et. c'est mieux que, excuse-moi, mais par exemple, dans les Gardiens de la Galaxie, où t'as un méchant et tu sais pas pourquoi, comment. Ouais. Bah après, oui, c'est sûr que son passé à lui, enfin, son histoire est pas forcément très explorée dans Les Gardiens, c'est sûr. Pas du tout. Et puis en plus, voilà, on est chez Disney, donc sa fille, elle est pas vraiment morte. Ah, évidemment. Finalement, On peut la sauver, c'est on son peut la fils. Mmh. sauver, et puis bah Hiro, il va jouer le rôle du prince, il va aller la sauver. Enfin, voilà, il y a quand même plein de codes des films Disney qui sont présents, malgré le fait que ce soit moderne, destiné pas forcément au même public que d'autres Disney. Enfin, il y a quand même un appel du pied au lecteur de comics qui a été fait avec ce film-là. Mais ce serait Marvel, hein. Moi, je trouve qu'il y a une vraie touche Marvel dedans, quoi. Ça se voit plus que Disney, peut-être même. Ah ouais? Ah ouais, moi je l'ai vachement ressenti Moi j'ai en vu là ce que Marvel pour donnerait un comics à la sauce Disney, en mais j'ai. Marvel pour enfants plutôt, tu vois. Ah ouais? D'accord. Ouais, moi j'ai pas forcément. Ouais, moi j'ai plutôt vu voilà ce que Disney donnerait s'il faisait des comics. C'est ça. Plutôt qu'à Marvel pour enfants, parce que finalement de Marvel on a Stan Lee et puis on a le titre, mais. Oui, puis tout le Moi, monde peut des voir un Marvel, t'as super-héros. pas besoin d'être adulte pour regarder un Marvel. Là, c'était vraiment clairement destiné aux enfants. Je serais plutôt d'accord avec toi, Mathieu. Ok, bon après, je pense que oui, les deux se valent après ça. Il n'y a pas d'histoire d'amour, hein. Ça change, oui. Oui, c'est vrai, il y a pas, enfin, oui, on a le prince Hiro qui va aller sauver la princesse, Elle est trop vieille pour lui, hein. la fille du professeur là, Il n'y a pas de romance. mais voilà, il y a pas, même dans l'équipe. Ouais, mais tant mieux, ça dérange pas, parce que de toute façon, Non, ils ça nous arrange, ne mais... viennent que les autres, alors... Oui, en plus, oui, ça aurait été un peu bizarre. Mais Parce ce qui est que... bizarre, déjà, c'est que genre, il peut intégrer l'université à son âge. Truc très irréaliste, à comprends, l'époque. c'est un Bon, il est génie. très surdoué, hein, c'est pas... Enfin, c'est un génie, mais il va pas à l'école, quoi, donc j'aime beaucoup... Enfin, Il va mais si, plus il à est l'école. diplômé. Oui, il a eu son diplôme de l'école, donc Il a après, eu il cherchait une université, là, en fait. son bac, hein. Il a eu son bac à 13 ans, un truc comme ça. Il s'est dit dans le film, même, à un moment. C'est le tout début. J'ai pas fait attention à ça. Donc, Mais du coup, ouais, il cherche une université, et puis c'est son frère qui dit, bah tiens, bah viens avec nous, quoi, essaye de nous rejoindre, quoi. l'imprimante 3D chez lui aussi, j'ai beaucoup aimé. Ah bah, il y a des équipements à San Francisco. Quel nom improbable, d'ailleurs. Mais ça qui était drôle. Dans le comic, se passe au Japon, hein, d'ailleurs. Oui, c'est Tokyo, c'est cool. Je sais pas pourquoi là, ils se sont décidés à faire une ville fictive. Je sais pas, pour plaire à la fois aux Américains et aux Japonais. Surtout qu'il y a des personnages qui n'ont pas du tout l'air asiatiques. Parce que c'est Disney, alors si ça se passe dans le vrai monde, ça serait bien que ça se passe un peu aux États-Unis quand même. Il faut que ça plaise au public américain. Voilà. De toute façon, ça tirera pas. C'est ça. Est-ce que t'avais feuilleté un peu ou lu le comics, toi, Arnaud? Non. Non? J'ai lu qu'il y avait beaucoup de différences. Oh bah oui, il y a pas mal de différences puisque bah déjà Tadashi n'existe pas dans le comics. Aucune raison de ne pas le lire. C'est une création pour l'adaptation animée, ou en tout cas pour ce que j'en ai lu jusque-là du comics, parce que je l'avais pas lu avant de voir le film et je me suis dit ah faut quand même, ça m'intéresse du coup. Le film est tellement sympa et que je veux voir ce que ça donnait en comics. Au final c'est sympa en comics aussi, hein, mais il manque peut-être quelque chose, je sais pas. C'est vraiment très différent, donc Alors oui, Big Hero 6, c'est le nom de l'équipe qui est déjà installée, qui existe déjà depuis un moment, au début du comics. Enfin, voilà, c'est une équipe de héros qui tourne déjà. C'est un peu les Avengers du Japon, quoi, mais avec des ados, quoi. Baymax existe aussi, mais c'est pas du tout le Baymax auquel on a droit dans le film. C'est pas du tout le petit robot tout gentil, tout mignon qui est là pour te soigner. Non, non, non. Donc. Ah, c'est autre chose, mais comme pour Kingsman, on en parlera après-demain dans le deuxième hors-série, ça me gêne pas. Les différences entre les deux là me gênent pas et on développe même plutôt de manière positive l'univers de Big Hero 6 qu'autre chose, donc c'est cool. Est-ce que vous souhaitiez aborder d'autres sujets sur ce film? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous le conseillez? Parce que autant ça sera plus clair mercredi, autant là on peut se demander. Bon, si, c'est un bon film quand même. On passe une bonne heure et demie, un peu plus, 1h40, sympa. Il y a des personnages vraiment attachants. Baymax, il est juste formidable. On disait Tadashi Hiro, c'est des bons personnages. Fred aussi. Moi, je suis un peu plus réservé sur Fred, mais Fred aussi. En tout cas, il se distingue par rapport aux autres personnages. Mais ça, c'est pas un grand film non plus. Si vous aimez les Disney, ça plaira. Mais c'est pas inoubliable non plus. Ok. Elodie? Un peu pareil, c'est sympathique, c'est divertissant. Après, pour moi, c'est pas non plus ce que Disney fait de mieux, quoi. Mais c'est un peu, bon, ça a aucun rapport, mais c'est un peu pour moi comme Les Mondes de Ralph qui est sorti, je sais plus, il y a 2 ans, je crois. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Genre, c'est un peu une parenthèse sympathique à découvrir de Disney, mais pour moi qui, comme tu disais, pour moi, c'était plus un Marvel pour enfants, donc. D'accord. Ça le s'éloigne un peu de ce que Disney fait d'habitude, mais bon, c'est pas négatif, hein. Il montre qu'il sait faire aussi d'autres choses. Après, voilà, c'est mignon, c'est gentil, il y a des personnages sympathiques. Alors, moi, je suis beaucoup plus enjoué que vous concernant ce film. J'ai vraiment adoré. Alors, oui, on est chez Disney, on a les codes Disney, on a tout. Voilà, si on aime Disney, on aimera ça. Mais il y a un truc en plus dans celui-là que je n'arrive pas à définir, à identifier. Voilà, il y a quelque chose en plus qui fait que pour moi, alors on est pour moi par contre dans ce que Disney est capable de faire de meilleur. Moi, je l'assimile dans mon expérience Disney, on va dire, je l'assimile tout à fait à des Toy Story, même à des Frères des Ours, qui pour moi est quand même incroyablement haut dans l'échelle Disney. Donc voilà, ça, pour moi, c'est au niveau de ces autres films-là. C'est pas au niveau du Roi Lion, d'accord, on est d'accord, mais c'est clairement le très très haut du panier Disney. J'ai vraiment passé un super moment. Je veux revoir ce film, je veux un Baymax, je veux tout ça. Enfin voilà, c'est. Bah, commande-en pour ton anniversaire. Pas un Baymax, non. Non, j'ai déjà un Hiro, donc moi ça me va. Hein. T'as un héros? Ouais, j'ai un Hiro en figurine pop. Les notes maintenant, du côté des lecteurs auditeurs de Comic Stories, et peut-être aussi sur nos écrans, puisque du coup les tweets ont été relayés aussi sur nos écrans. La note moyenne des lecteurs auditeurs pour ce film est une très bonne note, puisqu'il récolte 4,17 sur 5. Ah Ah Vous, bon? donc vous avez vraiment apprécié le film Big Hero 6, Les Nouveaux Héros. Et vous alors, Arnaud? Moi, je pensais avoir eu une très bonne note avec 3,5. Mais en fait, finalement, pas tant que ça. Élodie? Bah, pareil, je pense qu'Arnaud copie sur moi. Oh, j'ai mis 3,5 aussi. Pour ma part, je suis un petit cran au-dessus de vous puisque je lui mets 4 sur 5. Je lui mets bien volontiers ces 4 sur 5. Ce qui fait, bah, on a la moyenne vite fait, on est 3, hein, donc une moyenne de 3,7 un petit peu moins sur 5. Et donc si on se pondère avec les lecteurs en faisant 50-50, la note globale est de 3,9 sur 5. Pas mal. Donc pas mal. Donc finalement, à voir avec le hors-série numéro 2 que vous aurez mercredi sur le film Kingsman, qui est l'autre adaptation de comics de ce début d'année, à voir si lui aussi déclenche notre enthousiasme. Mais en tout cas, avec Big Hero 6, on est plutôt bien parti pour 2015 du côté des adaptations au cinéma. En tout cas, puisque la télé, c'est pas. Voilà. Il nous reste donc à vous donner les rendez-vous de la semaine, puisque ce hors-série sur Big Hero 6 était le premier podcast d'une longue série de 5 que vous allez avoir cette semaine. Demain, mardi, on se retrouve pour le mag, le numéro 4 du mag. Mercredi, je vous l'ai dit plusieurs fois, le hors-série numéro 2 de Comic Stories sur nos écrans, avec le film Kingsman cette fois. Aussi, on continue la semaine jeudi, on se donne rendez-vous pour le numéro 4 de Sur nos écrans, émission classique, et le débrief de la semaine sera consacré à la série Gotham. Youhou! Et puis ce week-end, on se retrouve évidemment pour la quatrième édition de notre Padawan édition, qui sera consacrée à Flash, par Brian Buccellato et Francis Manapul. D'ici là, bonne lecture, bon film si vous allez voir Big Hero 6, Kingman ou quelque autre film que ce soit, et à bientôt! Salut. Au revoir.